prenait dans un coin, à terre, ses repas. Il était devenu muet, ne parlait pas, ne pleurait plus. L'enfance est parfois sombre et forte. Souvent, il regardait lugubrement la porte. Un soir, on le chercha partout dans la maison. On ne le trouva point. C'était l'hiver, saison qui nous hait, où la nuit est traître comme un piège. Dehors, des petits pas s'effaçaient dans la neige. On retrouva l'enfant le lendemain matin. On se souvint des cris perdus dans le lointain. Quelqu'un même avait ri, croyant, dans les nuées, entendre, à travers l'ombre où flottent des huées, on ne sait quelle voix du vent crier « Papa ! Papa !» Tout le village, ému, s'en occupa et l'on chercha. L'enfant était au cimetière. Calme comme la nuit, blême comme la pierre, il était étendu devant l'entrée, et froid. Comment avait-il pu, jusqu'à ce triste endroit, venir, seul, dans la plaine où pas un feu ne brille? Une de ses deux mains tenait encore la grille. On voyait qu'il avait essayé de l'ouvrir. Il sentait là quelqu'un pouvant le secourir. Il avait appelé dans l'ombre solitaire longtemps. Puis il était tombé, mort, sur la terre, à quelques pas du vieux grand-père, son ami. N'ayant pu l'éveiller, il s'était endormi.